se réveille quand j'ai encore sommeil, que je dois aller travailler, alors que je voudrais buller. Je veux plus perdre ma vie à devoir la gagner. Alors je pars comme ceux qui brûlent leur vaisseau en chantant. Choisis le désert pour une traversée vers les contrées austères des ciels étoilés. Quand je pars comme ceux qui brûlent leur vaisseau en chantant bien heureux après un maudit d'avoir tout ça.